Chapitre 35e. Enfin, Madame d'Alifar tenait cette preuve si ardemment désirée, si patiemment cherchée. Juliette était maintenant entre ses mains. Elle n'avait qu'à serrer la corde qu'elle venait de lui passer au cou pour en être à jamais débarrassée. Pas de défense possible. Une expulsion honteuse, la misère. Adolphe, libre, Félix tout à elle, quel triomphe et quelle joie. Comme ils seraient heureux tous trois ensemble lorsque cette étrangère ne viendrait plus à chaque instant se placer entre eux. Un petit-fils et plus de belle-fille. Elle oublia ses précautions et, dans un mouvement d'exaltation, ne pouvant plus se contenir, elle se mit à marcher à grands pas dans sa chambre. Elle ne pensait plus à écouter les battements de son cœur et à se regarder dans la glace pour voir si ses joues rougissaient. Enfin, enfin! Et dans son triomphe, elle se disait que ces 2000 francs qu'elle venait de donner ne lui coûtaient pas cher. Pour la première fois de sa vie, peut-être, elle ne regrettait pas son argent dépensé. Elle avait étudié le code au chapitre de la séparation de corps pendant ces derniers temps, et elle avait vu que Juliette serait obligée de comparaître en personne devant le président. Quelle humiliation pour son orgueil! Cette comparution seule valait les 2000 francs. En 10 minutes, elle serait alors vengée des 5 années qui venaient de s'écouler. Elle accompagnerait son fils, et ce serait elle-même qui ferait grâce à Juliette du procès en adultère. Elle l'accablerait de sa pitié. Sans réfléchir à ce qu'elle faisait, elle allait d'un bout à l'autre de la chambre, revenant sur ses pas, tournant sur elle-même. Tout à coup, elle s'arrêta brusquement et s'assit sur son fauteuil. Elle venait de ressentir une commotion et elle ne pouvait plus respirer, si elle allait étouffer. Elle s'efforça de se calmer. Elle était folle de se laisser emporter. La joie pouvait la tuer aussi bien que la douleur. Elle prit un livre qui se trouvait à portée de sa main, et regardant l'heure à la pendule, elle se dit qu'elle ne penserait pas à Juliette avant un quart d'heure. Et avec cette force de volonté qu'elle avait toujours eue, elle s'absorba dans sa lecture. Le quart d'heure écoulé, elle revint à Juliette. Elle était plus calme, et la nécessité d'examiner froidement ce qu'elle devait faire de la découverte qu'elle venait d'acheter la maintint dans la plénitude de sa raison. Pour obtenir la séparation de corps, il fallait qu'elle fût demandée par Adolphe, et pour amener celui-ci à cette résolution terrible, il fallait qu'il connût la trahison de sa femme. Maintes fois, elle avait pu mesurer la puissance que Juliette exerçait sur lui, et elle était certaine à l'avance que si une explication avait lieu entre le mari et la femme, celle-ci trouverait moyen de démontrer qu'elle était injustement accusée. Il fallait donc éviter cette explication et arranger les choses de telle sorte qu'Adolphe fut obligé d'ouvrir les yeux et de voir, malgré son aveuglement, la trahison dont il était victime. Pas de parole qu'on pouvait plus ou moins dénaturer, un fait matériel et brutal contre lequel il était impossible de se débattre. Cette ligne de conduite adoptée, elle s'occupa aussitôt de combiner les moyens qui devaient la faire aboutir au but cherché et elle partit pour Passy. Mais au lieu de se faire conduire dans sa voiture, elle prit le chemin de fer. Il fallait éviter les indiscrétions et empêcher que le cocher pût bavarder. Par les domestiques, qu'il pouvait revenir à Juliette qu'elle avait été à Passy, et alors celle-ci se tiendrait sur ses gardes. Son plan était des plus simples, et il consistait à acheter le gardien et à obtenir de lui le moyen de pénétrer dans l'atelier. Quand on lui dit que M. Rolls était en ce moment à Rome, elle parut désappointée, et montrant tous les signes de la fatigue, elle s'assit sur une chaise dans le logement du gardien. « Si madame est fatiguée, » dit le gardien, qui avait dû être autrefois valet de chambre dans une maison où il avait pris des manières plates et obséquieuses, « elle peut attendre ici le départ du prochain train dans 10 minutes. » Et se rasseyant dans le fauteuil qu'il occupait, il reprit son journal sur ses genoux, prêt à le lire si on ne lui adressait pas la parole, prêt à le rejeter au contraire si on l'interrogeait. Du coin de l'œil, Madame d'Alifar remarqua cette attitude, et elle en augura bien pour le succès de sa négociation. C'était là évidemment un homme qui ne demanderait pas mieux que de se vendre. Seulement, il faudrait y mettre le prix. C'était un gredin, ce n'était pas un imbécile. Plus d'une fois, dans sa vie de commerçante, Madame d'Alifar avait eu affaire à des gredins. Il savait qu'avec eux, le meilleur est d'aborder franchement les questions. L'atelier de M. Rolls, dit-elle, sert en ce moment de lieu de rendez-vous à un monsieur, à une dame, qui se voit le mardi et le vendredi. Ah, madame, n'essayez pas de me tromper, je sais tout. J'ai intérêt à faire cesser ces rendez-vous sans bruit et sans scandale. Voulez-vous me donner votre concours ? Le gardien se redressa avec dignité et regarda Madame Dalifard d'un air indigné. « Il sera bien payé, » poursuivit Madame Dalifard. L'indignation se changea en un sourire. « Pour mon compte, » dit-il, « je serais heureux de voir ces rendez-vous interrompus. Cela n'est pas convenable pour moi, et si M. Reuls n'était pas notre locataire depuis 7 ans, j'aurais déjà interdit l'atelier à ces personnes. Mais vous comprenez, avec un ancien locataire, cependant je serais tout disposé à intervenir. » « Ce n'est pas vous qui devez intervenir, c'est moi, et je suis prêt à reconnaître le service que vous m'aurez rendu. Que faut-il faire ? Me donner les moyens de pénétrer auprès de ces personnes quand elles sont enfermées dans cet atelier. » « Ceci est bien grave, car il faut que je vous confie une clé de l'atelier ou de l'appartement particulier de M. Reuls. Cela sera su. M. Reuls est très lié avec la personne qui vient ici. Il se plaindra. Je puis perdre ma position. » Puis, après avoir regardé Madame Dalifard du haut en bas comme s'il voulait voir d'un coup d'œil si elle était femme à payer cette position, il secoua la tête, mécontent sans doute de son examen et ne trouvant pas dans cette dame à la toilette négligée ce qu'il fallait pour engager une affaire. « À combien estimez-vous cette position ?» demanda Madame Dalifard, qui avait compris ce qui se passait dans cette tête hypocrite. D'exigence en exigence, il finit par obtenir 1500 francs. Le marché conclu et 500 francs ayant été versés d'avance, il conduisit Madame Dalifard dans l'appartement particulier du sculpteur qui communiquait avec l'atelier par la porte du cabinet. « Je pourrais vous faire entrer dans ce cabinet et de là vous verrez tout ce qui se passe dans l'atelier. »« Ce ne sera pas moi que vous ferez entrer, » dit-elle, « mais une personne que j'enverrai. Cette personne vous tendra un billet de 1000 francs. Ce sera le signe auquel vous la reconnaîtrez. Aussitôt vous l'amènerez ici. » Il voulut se défendre et soutenir qu'il ne pouvait pas s'engager ainsi envers une personne qu'il ne connaissait pas et qui peut-être ferait du bruit, mais Madame Dalifard ne l'écouta pas. D'un œil curieux, elle examinait l'ameublement de l'atelier, les fleurs, les tentures, les tapis. Sur la console qui se trouvait devant la glace, elle prit une épingle à cheveux qui avait été oubliée là. Une seconde fois, elle répéta ses instructions au gardien, puis elle revint à Nogent. Maintenant, elle n'aurait plus qu'à attendre le mardi. Et rentrée chez elle, elle reprit les précautions dont elle s'enveloppait depuis quelque temps. Elle avait eu tant d'émotions dans cette journée qu'elle était à bout de force. Cependant, elle n'osa pas manger, et au lieu de se faire servir à dîner, elle se fit couvrir les jambes de sinapisme. Mais elle en avait mis si souvent pendant ces derniers jours qu'il n'y avait pas une place qui ne fût brûlée. « La peau est partout frisée, » dit la femme de chambre. « Eh bien, mettez-les sur les brûlures les plus anciennes. » Et stoïquement, pendant un quart d'heure, elle endura ses sinapismes. La sueur lui coulait sur le visage, mais loin de se plaindre, elle souriait à sa pensée intérieure. Pendant toute la journée du dimanche, elle fit le meilleur accueil à Juliette. Son amabilité frappa tout le monde. « Je vois avec plaisir que Madame Dalifard est revenue à de meilleurs sentiments pour vous, » dit le notaire à Juliette. « Est-ce que mon profit n'aurait rien découvert ?» se demanda M. Descloiseau. Il interrogea Madame Dalifard et celle-ci lui répondit qu'elle avait en effet employé le directeur de l'agence des familles et qu'elle en était heureuse, car elle avait la preuve maintenant que les sorties de Juliette étaient parfaitement innocentes. « Il ne se voit pas, » dit-elle. « Tout est rompu. Nous en serons quittes pour la peur. C'est une grande joie pour moi. » « Et pour moi donc ? Mais vous me rendrez cette justice ?» que ce que vous m'apprenez là, je vous l'ai toujours dit, c'était impossible. Je suis désolé d'avoir pu soupçonner Juliette. Moi, au moins, je l'ai toujours défendue. Le lundi, elle n'alla pas à Paris, et elle resta dans sa chambre, étendue dans un fauteuil, sans faire un mouvement, sans respirer, pour ainsi dire. Cette journée fut longue, la nuit plus longue encore. Enfin, le mardi, à son heure ordinaire, elle partit pour la rue des Vieilles Haudriettes.